On prenait Londres tous les soirs. Tata, et moi je disais, comme quoi après on change, hein. Quand j'entendais Schumann, je disais à celui-là, si la guerre finit et que je suis en vie, je vais le connaître. Hein. Je vais aller le remercier. Parce qu'il parlait tous les soirs, il parlait bien. Ah, oui. Et il parlait comme on voulait, alors tu sais, on parle toujours bien. Puis non, vraiment, c'était un orateur. Il est toujours en vie, Schumann. Maurice, pas Robert, c'est celui qui a fait les accords. Il y avait Maurice Schumann, il y avait Georges Bidault, il y en a qui parlaient. Ici, Radio Paris est allemand. Et ça commençait par ça. Puis alors, il y avait tous les messages codés, Alouette, c'était pour le maquis. Des fois, il y en a eu un pour Mistia aussi.